Anne, tu flaires dans notre atmosphère. Trop de gens sont en galère. Ils ne savent que faire et vivent dans la misère. Alors, écoute ça. Malheureusement, nous ne sommes pas les seuls. Certains sont même au point de seuil. Tu vois la misère, tu vois la terre. Si de terre monte à point commun, ça tournera toujours en rond. De toute façon, rien ne changera car le monde est tellement con. Dans notre système solaire, matière des êtres humains sans souci guerre. Pays sous-développés sans cesse marchandés, pillés, dépouillés ou exploités pour de vulgaires billets. Frontières sont assoiffées, tous en train de crever. Pays africains sans cesse en guerre, n'ont pas un seul moyen de vivre comme nous, pays européens. Arrêtons de nous plaindre des problèmes moindres. Je ne dis pas que notre vie est facile, surtout en ce moment en période de crise. Mais pour eux, depuis leur naissance, ils n'ont pas tant d'assurance que dans notre pays, la France. À quoi une égalité mondialiste? À quoi une communauté interraciale? Nombre d'enfants naissent difformes du à la malnutrition, le manque d'hygiène tue. N'est pas le seul à qui cela fait de la paix. Face au manque d'emploi, tu sens au mariage de loi comme quoi peu de choses séparent l'être humain de l'animal. C'est dur à dire, de plus en plus c'est chacun pour soi. Il faut continuer à y croire, garder tout le temps l'espoir. L'argent, le pouvoir, rendre l'homme monstrueux. Les enferme dans un monde fastidieux, tout cela crée un creux. Bidonville pas somptueux, pousse, voiture en deux prix. Tu prends conscience de cette manie de tous les riches. Ce n'est pas de partager, mais plutôt de tout dépenser juste pour se la péter. Si seulement ils comprenaient qu'un dixième de leur budget rendrait heureux des personnes par milliers. Hey man. Il faut que tout ça change, il faut que tout s'arrange. J'espérais que par la suite, ce passage ne sera que du passé. Le monde allait trop vite, créant pas mal de parasites. C'est pour ça que l'on hésite de faire confiance aux hommes politiques. Dans le pays démocratique, tu vois bien que nous sommes pour eux des chiens. Que l'on doit sans cesse nos biens. Regarde autour de toi et dis-moi ce que tu vois. Je ne crois pas que ce ne soit toutes des personnes remplies de joie.